Bonjour et bienvenue dans cette émission des livres et des mots. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour vous parler de la littérature asiatique. Et avant de commencer, je vais vous présenter les chroniqueuses autour de cette table. À ma gauche, à ma droite, pardon, Andrea. Oui, bonjour. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler des mangas parce que c'est quelque chose qui est très connu au Japon et c'est vraiment un peu l'image du Japon. Mais moi, je vais me concentrer sur une partie un peu plus moderne. D'accord, merci. Zoé ? Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter du coup la Chine avec un webtoon et un roman graphique. Caroline. Bonjour, je vais vous présenter la Thaïlande avec deux romans. Iliane. Bonjour, moi je vais vous parler de la Corée du Sud avec un webtoon et un roman. Et enfin, Adeline. Oui, merci. Je suis donc votre présentatrice pour cette émission, Adeline, enchantée. Je vais aussi vous parler du Japon comme Andrea, mais moi j'ai choisi de me concentrer sur les classiques. Et maintenant, nous allons passer la parole à Andrea pour sa première chronique. Merci beaucoup. Moi je vais vous parler des Mémoires de Vanitas, qui est du coup un manga finalement. Écrit et dessiné par la mangaka japonaise Jun Mochizuki. Elle est notamment connue pour avoir écrit Pandora Hearts. Je pense que des gens connaissent, et c'est du coup un autre manga qui a même été adapté en animé. Pour en revenir aux mémoires de Vanitas, il est prépublié dans un magazine de prépublication japonais qui s'appelle Monthly Gangan Joker depuis décembre 2015, donc ça fait un petit bout de temps déjà. Si les auditeurs ne le savent pas forcément, les magazines de prépublication, c'est un peu un rite de passage obligatoire pour tous les mangas. Tous les mangas que vous allez lire, en fait, vont passer par ces fameux magazines. Du coup, là, en 2021, on a un total de 9 tomes, et comme la série n'est pas terminée, on attend encore une suite. D'ailleurs, en parlant de série, les Mémoires de Vanitas a aussi été adapté en animé, donc je trouve que c'est plutôt cool. C'est un shonen, et pour ceux qui savent peut-être pas c'est quoi, ça arrive, c'est pas grave. Un shonen est un genre de manga avec beaucoup d'action, et un lectorat majoritairement masculin, mais beaucoup de femmes en lisent aussi, hein, parce que l'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai. Et oui. On a aussi souvent cette notion d'amitié dans les shonen, en mode « oui, le pouvoir de l'amitié, c'est trop fort » et tout ça. En France, c'est les éditions Kiun qui éditent finalement ce manga. Et pour ce qui est de l'histoire, on est donc à Paris, à la fin du 19e siècle. Et il s'avère que la capitale subit des attaques répétées de vampires. Oh non, c'est pas gentil. Pas vraiment. Mais pas de panique, enfin si, peut-être un peu. Les vampires ne sont pas les vrais méchants dans l'histoire. Parce que oui, du coup, il y a une guerre avec les humains. Finalement, les vampires ont dit qu'ils s'attaqueraient plus aux humains et tout. Enfin bref. Donc on va suivre Noé, l'un des deux personnages principaux qui cherche le grimoire de Vanitas. Il le cherche parce qu'apparemment, c'est un grimoire qui peut altérer jusqu'à l'essence même de la vie des vampires. Donc, ils en ont peur. Donc, ils le cherchent. C'est QFD. Sauf que Noé va rencontrer Vanitas un jour. Et attention, gros plot twist. C'est lui qui a le grimoire. C'est surprenant, je sais. Ensuite, il va se passer des trucs et même des choses qui font que Noé et Vanitas décident de faire équipe pour nettoyer les rues de notre belle capitale. S'ils sont pas gentils, ces deux-là. En effet, c'est très poli de leur part. N'est-ce pas ? Mais si vous vous souvenez bien, j'ai dit que les vampires n'étaient pas les vrais méchants, donc pour comprendre ce qu'ils veulent nettoyer, faut lire le manga, hein, et oui. Franchement, pour moi, c'est une très belle découverte, surtout que le manga dormait dans ma bibliothèque depuis quelques temps déjà. Je sais, je suis désolée, Noé. Donc mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Je trouve vraiment le dessin magnifique, même si on peut pas vraiment dire que je sois la plus objective des personnes, hein, vu que je sais pas dessiner. pour moi, tous les dessins sont très beaux. L'histoire suit un ordre chronologique très précis, les personnages très attachants à leur manière. Enfin bref, c'est ce qu'on attend d'une bonne histoire, hein, finalement. Ah oui, j'ai failli oublier, on n'a pas de personnages inutilement pervers, que je trouve assez ennuyant, hein, faut le dire. Mais surtout, les femmes sont habillées. Parce que oui, le fanservice, ça va bien 2 minutes. Pour ceux qui savent pas, le fanservice, c'est une pratique qui consiste à déshabiller des personnages pour le plaisir des fans. Hommes. Hommes, oui, mais pas forcément. Il y a aussi du fanservice pour les femmes, mais c'est vrai que c'est majoritairement pour faire plaisir aux fans masculins. On kiffe. Du coup, vraiment, si vous voulez commencer une nouvelle série ou juste que vous avez envie de commencer à lire des mangas mais vous savez pas trop par où commencer, je conseille vivement Les Mémoires de Vanitas. Hein. Franchement, il y en a pour tout le monde dans ce manga. Et... c'est vraiment super, quoi. Merci beaucoup pour cette première chronique et nous allons passer à Iléane. Alors, pour commencer, je vais vous parler du webcomic True Beauty. Je sais pas si quelqu'un connaît autour de la table. Ah, c'est un classique True Beauty. Pour ceux qui connaissent Webtoon et plus particulièrement la section romance. Alors, c'est un manhwa écrit par la manhwaga sud-coréenne Yaongi qui s'appelle en réalité Kim Na-young. Elle est née en Corée du Sud en 1991. C'est une ancienne mannequin et elle est passionnée de voitures et de maquillage. Ça n'a rien à voir, c'est pas grave. Elle a commencé super jeune à dessiner et elle a déjà écrit 2 manhwa qui sont Wimang Gragrim, qu'elle a écrit cette année, et aussi True Beauty. Donc l'autrice, elle a créé True Beauty en 2018 et elle est disponible sur la plateforme Webtoon. C'est une plateforme disponible sur tous les téléphones et même sur un ordinateur. Pour lire en cours, c'est pas mal. Je vois pas de quoi tu parles. Donc, le webcomic a été adapté en drama en 2021 et il a une saison de 16 épisodes. Il a aussi été adapté dans le format manga cette année par Kabooks, qui est une maison d'édition qui adapte les webcomics dans le format des mangas. True Beauty a pour l'instant 177 épisodes. Alors, True Beauty, pour résumer l'histoire, c'est l'histoire de Joki Onlim, une adolescente mal dans sa peau avec de l'acné, pas forcément très très jolie. Elle se fait beaucoup harceler pour son physique et elle décide donc, pendant un été, d'essayer le maquillage et de changer littéralement de visage. Elle utilise divers moyens comme du scotch à double paupière ou des lentilles, ce qui est assez courant en Corée. Elle change d'école et là, elle est vraiment adulée par tout le monde, mais bon, elle cache son vrai visage comme un secret. Finalement, elle va se faire découvrir par Soo-Oli, le beau gosse de l'école. Parce qu'il y en a toujours un. Évidemment, toujours un. En plus, c'est à cause d'un porte-clés, c'est dommage. Il l'a reconnue dans une librairie de BD alors qu'elle n'avait pas de maquillage, mais lui, il la trouve belle, avec ou sans maquillage. Ah, oh, c'est romantique. J'aime beaucoup cette histoire, déjà pour les dessins qui sont super beaux, même si c'est un peu cliché puisque bah, tout le monde est beau dans cette histoire. Ça parle de beaucoup de sujets, avec des vraies morales comme le harcèlement scolaire, les femmes battues, la popularité ou le corps de la femme qui sont des sujets d'actualité. C'est découpé en épisodes en fonction du sujet abordé. Je conseille vraiment True Beauty pour les personnes adeptes de la romance et des triangles amoureux parce qu'il en faut bien toujours un. Voilà pour moi. D'accord. Et donc, petite question. Est-ce que tu trouves que True Beauty est un webcomic qui est arrivé à temps pour parler du problème de société, surtout en Corée, qui est le standard de la beauté? Bah, je pense que oui, même si maintenant, bah, tout le monde doit être très beau grâce à la chirurgie, tout ça. Je suis pas sûre que ce soit vraiment cool pour les jeunes de maintenant qui se trouvent pas forcément bien dans leur peau, même si, ouais, c'est assez important de pouvoir se changer sans chirurgie. C'est vrai qu'avec tout ce qui est industrie de la K-pop, là-bas, les standards sont encore plus hauts à cause de toutes les idoles et tout ça. Bah, c'est cité dans le manoir, on parle des idoles qui sont magnifiques et qui plaisent à tout le monde, qui doivent vraiment correspondre aux standards de beauté actuels en Corée. D'accord, merci beaucoup pour cette intervention, Iliane. Nous allons maintenant faire une petite pause musicale avec BTS. Sweeter than sweet, chocolate cheeks and chocolate wings. But no, you're not getting out of my head. No, you can sweet up and beat up, beat up. Kiss me, I put the grey, hold on, I told you, throw toys and I'll pursue the walker. Baby, cheat the grey, he did not deal with you. No, give me the whiskey. The pit of the moon, the match match you murder. Catch your car. I'm the child that was so mad. I got your car. One of my money. Money, money. One of my money. Money, money. Money, money. One of my money. Money, money. One of my money. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money Rocketjet, c'est plus qu'une radio. Pour les auditeurs arrivés en cours de route, bienvenue dans l'émission des livres et des mots où on parle de littérature asiatique. Et c'est Zoé qui va prendre la parole. Bonjour, alors moi aussi je vais vous parler du coup d'un webtoon, mais un webtoon chinois cette fois qui se nomme Salad Day. Un webtoon, je vous rappelle rapidement ce que c'est une bande dessinée en ligne, souvent découpée en chapitres, qui sort de façon régulière, une à plusieurs fois par semaine, ça dépend vraiment de l'auteur et des traducteurs. L'auteur et les artistes sont Jin Shuibian et Tang Yuxiang, je suis vraiment désolée pour la prononciation. Personne t'en voudra ici. Merci. Mais il n'y a presque pas d'informations sur eux, du coup on ne sait rien du tout sur les auteurs. C'est un manhwa, du coup c'est une bande dessinée chinoise, il est sorti en 2019 et a pour éditeur original Kuikan Manga. Il est publié sur la plateforme scanmanga.com et est traduit par la team Combat Studio. Il est en cours et il possède pour l'instant 83 chapitres. Il raconte l'histoire d'une très forte amitié entre un danseur de ballet et un boxeur qui sont amis d'enfance et qui vont s'épauler l'un l'autre, se soutenir dans les difficultés de la vie. Ils vont surmonter les obstacles ensemble et ensemble aussi réaliser leurs rêves. J'aime bien les webtoons parce qu'ils sont faciles à lire, je peux les lire sur toutes les plateformes numériques. Et en cours notamment. Encore une fois, je vois pas de quoi vous parlez. Bon, ça peut peut-être parfois être un petit peu frustrant parce qu'on est dans l'attente d'un nouveau chapitre, mais globalement c'est très très sympa. Il y a une grande variété d'histoires, comme vous avez pu le voir. On peut trouver de la romance, du fantastique, on peut même trouver une très très très très grande variété d'histoires. Grâce à la forme numérique, c'est beaucoup plus facile pour les auteurs de webtoon de se faire connaître et ça n'empêche pas certains webtoons d'être publiés en papier s'ils ont énormément de succès. Ce webtoon, c'est un coup de cœur pour moi parce que j'aime beaucoup l'ambiance très douce, pastel et légère que dégage cette œuvre. Les personnages sont super attachants, leur dynamique est vraiment extraordinaire. Les personnages secondaires sont ni vides ni plats, ils ne servent pas de faire valoir aux personnages principaux, ils ont leur propre histoire. Franchement, c'est super cool. J'aime également beaucoup le graphisme, mais bon, comme Andrea, je suis pas objective non plus. Hein. Je les trouve très très beaux et le style est extrêmement épuré. L'histoire est super intéressante. Il n'y a pas de gros enjeux lourds, il n'y a pas d'histoire de meurtre, d'enquête policière, de mafia. C'est tout simple, juste la vie et l'amitié de deux personnes. Et ça, c'est cool. J'ai hâte de voir comment ça va se finir et en même temps pas trop parce que j'aime beaucoup avoir ma petite dose de webtoon toutes les semaines. Donc je serai un petit peu triste quand ça va s'arrêter, mais j'ai vraiment hâte de voir le rêve de ces deux-là se réaliser et ça va être génial. Je vous le conseille vraiment, vraiment, surtout si vous avez passé une mauvaise journée, que vous êtes triste ou dans une mauvaise passe, tout ce qui est négatif dans votre vie, lisez ce webtoon, il vous remplira de joie et de douceur, il vous mettra dans un tout petit cocon trop mignon. Donc on rappelle le titre pour les auditeurs, Salad Days, qui peut être retrouvé sur scanmanga.com. Et en ce moment, on a bien besoin de douceur et de légèreté. D'ailleurs, en parlant d'amitié, moi je vais vous parler de One Piece, qui est un manga écrit et dessiné par Eiichiro Oda. Avant de réussir avec One Piece, Oda a publié plusieurs nouvelles qui vont pas rencontrer beaucoup de succès, mais qui lui permettent de se faire connaître, et ça c'est plutôt utile. En 96, il fait enfin sa première apparition dans les pages du Weekly Shonen Jump, qui est un magazine de prépublication. Pour les éditeurs qui arrivent seulement, un magazine de prépublication, c'est là où paraissent les mangas avant d'être édités en série. Il faudra attendre 97 pour voir la publication du premier chapitre de One Piece. Ouais, enfin ! Le manga plaît beaucoup au public et devient une référence incontournable du genre shonen, au même titre que Dragon Ball d'Akira Toriyama. S'il y a des connaisseurs parmi nos auditeurs, vous voyez de quoi je parle. Pour que vous vous rendiez compte du succès, chaque nouveau tome de la série se vend à plus de 3 millions d'exemplaires, et un parc à thème a ouvert à Tokyo en 2015, ce qui est plutôt pas mal. Ils aiment bien faire ça au Japon. C'est vrai qu'ils aiment bien ouvrir des parcs à thème. On a aussi ce phénomène avec l'attaque des titans. Bah, c'est à ça que je pensais justement. On a le même cerveau. Maintenant, je vais vous faire une brève présentation de l'histoire de One Piece. Tout commence par une exécution, celle de Goldie Roger, estimé comme le roi des pirates. Avant de mourir, il parle à la foule de son immense trésor, appelé le One Piece. Il encourage tout le monde à partir à la recherche du trésor, ce qui va déclencher une vague de piraterie. Vive les pirates ! 12 ans plus tard, nous retrouvons Monkey D. Luffy, protagoniste de l'histoire qui a pour ambition de devenir le prochain roi des pirates. Par accident, Luffy mange un fruit du démon qui rend son corps élastique. Et en échange de ses pouvoirs, évidemment, il est condamné à ne plus pouvoir nager, ce qui pour un pirate est plus contraignant. Mais il ne se laisse pas abattre et il se met à la recherche d'un équipage parce que c'est plutôt utile pour devenir le prochain roi des pirates. Ah bon, il peut pas genre juste être un homme fort et indépendant, non? Non, il a besoin d'un équipage. Et il va commencer par recruter Roronoa Zoro, qui est chasseur de pirates. Je vous l'accorde, c'est un duo plutôt contradictoire. Mais c'est la façon de faire de Luffy. Il recrute que des personnes qui lui plaisent. On découvre donc un univers varié, tant du point de vue géographique et historique que politique. Ce qui fait de One Piece un manga intéressant, sans parler de la qualité des dessins et de l'attrait de l'aventure, je vous laisserai découvrir ça en lisant le manga, ce sont ses valeurs. Premièrement, il y a cette notion de dépassement de soi. C'est Luffy qui va incarner le plus cette valeur car il développe toujours plus son potentiel au fur et à mesure que l'aventure progresse. Il y a aussi la notion d'entraide qui est présente dans tous les shonen, mais qui est une valeur forte dans One Piece. Par exemple, l'amitié de l'équipage de Luffy est incomparable, sans oublier que chaque membre connaît la valeur des autres, ce qui pousse chacun à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais en dehors de ces deux valeurs qui peuvent être retrouvées dans absolument tous les shonen, il existe une autre valeur prônée par Oda et qui selon moi apporte cette force à One Piece. C'est un manga engagé, il y a une diversité des sujets abordés, comme la pauvreté ou encore la discrimination, mais le manga va aussi aborder l'esclavage, l'écologie, la guerre, la drogue, le racisme et plein d'autres choses. Luffy et son équipage incarnent une jeunesse luttant pour la tolérance, ce qui est une valeur très importante que l'auteur va montrer au lecteur au travers des aventures vécues par Luffy. Donc même si la longueur de la série peut faire peur, en même temps, 100 tomes, ça remplit vite les étagères. On fait ça vite vite, le compte en banque aussi. Je recommande quand même ce manga à tous ceux qui ont envie de s'engager dans un shonen empli d'aventures, d'humour et de valeurs. Et maintenant, on va faire une petite pause musicale avec un peu de piano de Miyazaki pour retrouver cette légèreté dont nous parlait Zoé. partageons nos passions sur Fadjet. Vous êtes sur Radio Fadjet et vous écoutez l'émission des livres et des mots, où nous parlons de littérature asiatique. Nous allons maintenant passer la parole à Caroline. Pour vous présenter ce pays qui est la Thaïlande, je vais commencer par vous parler d'un livre, un roman, Bangkok Déluge, ou en version originale, et je m'excuse pour la prononciation, Bangkok Wakes to Rain. Il est écrit par Pichaya Sudbonthad, un auteur thaïlandais qui vit entre Bangkok, en Thaïlande, et Brooklyn, aux États-Unis. Ce livre, c'est son premier roman, mais il a aussi écrit plusieurs histoires courtes et de nombreux essais, vraiment beaucoup d'essais. Bangkok Déluge a été sélectionné comme livre remarquable de l'année par le New York Times et le Washington Post. Il est traduit de l'anglais par Bernard Tulle. D'ailleurs, il est sorti en août 2021 aux éditions Rivage. Oui, c'est très récent donc. Oui, et vous pouvez le trouver dans toutes les librairies indépendantes. Très important de soutenir nos librairies indépendantes. L'entièreté du livre se déroule dans la ville de Bangkok. L'histoire se déroule entre le 19e siècle, alors que la Thaïlande s'appelle encore le Siam, et va jusqu'en 2070, où l'auteur imagine un futur possible pour la Thaïlande. Le lieu principal est celui qui est récurrent, auquel tous les personnages ou presque du livre sont liés. C'est une maison, qui est au cœur de Bangkok et qui va être transformée en immeuble. Je vais maintenant vous faire un petit résumé du livre. En sachant que c'est assez compliqué, parce qu'on ne suit pas un personnage tout le long de l'histoire, mais plusieurs. Ces personnages vont voir leur vie se mêler les unes aux autres, soit par des rencontres communes, ou bien simplement par un lien de parenté. On va donc suivre des personnages qui sont tous liés, d'une manière ou d'une autre, à la ville de Bangkok. Et la diversité des personnages va faire qu'on va avoir des points de vue différents sur la ville. Par exemple, on a Phineas, qui est un médecin américain en mission en Thaïlande au 19e siècle. Ou encore Clyde, un musicien américain qui vit à Bangkok. Donc avec eux deux, on a des points de vue extérieurs sur le pays à des époques différentes. Mais on a aussi le point de vue de Thaïlandais, comme celui de Sami, qui est un photographe thaïlandais expatrié, ce qui fait qu'il a encore une vision différente car il ne vit plus en Thaïlande, ou bien le point de vue de Ni, une Thaïlandaise qui vit à Bangkok et qui a vécu les répressions militaires et les inondations. Donc c'est pas très joyeux. La construction du livre laisse penser à une boucle, car on va commencer le livre et le terminer dans le même lieu, c'est-à-dire l'immeuble qui est le lieu récurrent du livre. Une autre particularité de ce livre, c'est qu'avec les chapitres, on va passer d'un moment à un autre, d'une époque à une autre, et le tout avec des personnages qui vont être différents. Certains qu'on a déjà vus dans d'autres chapitres avant, et d'autres qu'on va découvrir. Les points positifs de ce livre, je dirais que pour le premier, c'est les mélanges entre les faits historiques et les personnages fictionnels qui sont assez banals. Je veux dire par là que ça pourrait être des personnages qui ont réellement existé à ce moment-là. Le deuxième point positif, c'est la lecture qui est très fluide. On a une lecture vraiment simple, qui est prenante, et ce, malgré le fait qu'il y ait très peu de dates qui sont données. Donc il ne faut pas faire attention à la chronologie. Pas trop, mais on s'y retrouve assez facilement avec les personnages. En effet, les seuls repères temporels qu'on va avoir d'un chapitre à un autre, ça va être les moments historiques et les différents liens entre les personnages. Si je devais donner un point négatif, je dirais que c'est le vocabulaire qui m'a un peu gênée au début, mais auquel on s'y fait très vite, pas de panique. Par exemple, le nom de Krung Thep, qui est le nom thaïlandais de Bangkok. Cependant, je trouve que ce vocabulaire est cohérent avec l'histoire et les personnages, et donne plus d'authenticité à ce livre. C'est bien vrai. Merci Caroline pour cette intervention. Nous allons maintenant passer à Andrea. Eh oui, c'est à nouveau moi. Je suis désolée, il n'y a pas énormément de lien entre ce que Caroline a présenté et ce que moi je vais présenter, mais bon, moi je repars sur mes mangas. Donc, Malicious Code, ou le code malicieux en français, c'est un manga de 4 tomes, du coup, par l'auteur et scénariste japonais Masahiro Ikeno. C'est aussi un shonen, et si vous venez de nous rejoindre, un shonen, c'est un genre de manga avec beaucoup d'action et une forte notion d'amitié, du style « l'amitié est plus forte que tout ». Ils sont souvent lus par des hommes, mais c'est un peu un stéréotype, parce que bon, quand même de plus en plus de femmes qui en lisent. Hein. Oui, donc, Malicious Code, il a d'abord été prépublié dans le magazine Monthly Comic au Japon entre 2011 et 2012. Et au Japon, c'est la maison d'édition Media Factory qui le publie, et en France, c'est Komiko Édition. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le rappelle. Du coup, tous les mangas qui existent doivent passer par ces fameux magazines de prépublication au Japon. C'est un rite de passage. L'histoire, oui. On est à Tokyo en 2027, dans ce qui est devenu la plus grande ville morte de la planète. Ça fait plaisir. Franchement, les villes mortes, c'est le kiff. N'est-ce pas ? Tout ça grâce, ou à cause, on ne sait pas, même si bon, on sait quand même, à une épidémie qui a commencé en 2024, du nom de Pandora. Une épidémie, ça faisait longtemps. Oui, en effet. S'ils ont appelé ça le virus Pandora, c'est un rapport à la boîte de Pandore qui contient tous les maux du monde. Et croyez-le ou non, c'est pour ça que mon chat s'appelle Pandora. Alors oui, le virus est fatal dans 99,99% des cas. Ça laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, je vous l'accorde. Ceux qui survivent, c'est surtout de jeunes enfants qui sont ensuite porteurs du virus, mais pas contagieux, et qui subissent des changements physiques parce que le virus réécrit leur code génétique, le petit coquin. Ensuite, donc, un groupe de lycéens, 4 si ma mémoire est bonne, spoiler alert, elle ne l'est pas, donc c'est peut-être pas ça, qui se retrouvent dans un accident de bus alors qu'ils allaient au lycée. Quand ils se réveillent, ils sont à Tokyo, et à partir de là, c'est vraiment une lutte pour leur survie, parce que la règle dans Tokyo à cette époque-là, c'est tuer ou se faire tuer. Pourquoi ? Il faudra lire le manga. Bref, une bonne destination pour les vacances, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah ouais, ça donne envie. Je pense que je vais prendre un billet pour Tokyo. Tokyo en 2027, attention. Hein. Je vais aussi prendre une machine à voyager dans le temps, du coup. Je pense que ça peut être utile. Encore une fois, ça va être surprenant, je sais. Je trouve les dessins très beaux et comme on a que 4 tomes, on est très vite plongé dans l'action, quoi. On n'a pas trop le time pour le reste. Après, j'avoue que j'avais un peu peur qu'on n'ait pas vraiment le temps de s'attacher aux personnages ou même de les voir évoluer. Mais en vrai, j'ai été agréablement surprise, quoi. Bravo, My Sairo. Bon, après, on a la blinde de fanservice. Hein. Je rappelle que le fanservice, c'est l'art de déshabiller les femmes pour faire plaisir aux hommes. Mais comme on fait dans l'égalité des sexes, c'est aussi déshabiller les hommes pour faire plaisir aux femmes. Mais dans le cas de Malicious Code, c'est surtout pour faire plaisir aux hommes. Hein. Et on a aussi ce fameux personnage inutilement pervers, mais bon, on fait avec. En plus, le manga s'arrête sur une fin ouverte, donc ça laisse vraiment libre cours à l'imagination. C'est assez cool. Le seul souci que j'ai avec les fins ouvertes, c'est que on a des questions qui sont laissées sans réponse. C'est dommage. Ce qui est le principe de la fin ouverte, finalement. Oui, c'est vrai, c'est le propre des fins ouvertes. Bon, si vous aimez l'action, l'aventure et une petite dose d'humour pas piqué des hannetons, je vous conseille vraiment Malicious Code. Et puis, c'est vrai que ça faisait un peu trop longtemps qu'on n'avait pas parlé de pandémie, je trouve, donc c'est l'occasion ou jamais. Merci Andrea. Nous allons maintenant faire une pause musicale avec Stray Kids. Vous écoutez l'émission des livres et des mots sur Radio Fadjet. A tout de suite. I cry because I know that I'll never change. Hitoshirenu basho taeta datachi tsukusu. Nando mo toresu ni naru kedo. Hitori te o nobashi, hitori tachi agaru. Hakite booster sneaker, kigurushita tei. Itanda kizu yas, ima tsuranai. Pop gado no mai, karasu ko no koe. Kono kizu ato zenbu, marude tattoo. Sarake dashite subete o, miseru sore ga subete to. Nage dashitaku naru hi mo saketsu nanyatte mo. Come on, let's let go. Taolete mo, taolete mo. Yoke made, I turn on the lights. Tatoe voilà, c'était Scars de Stray Kids. Et maintenant, nous allons passer la parole à Iléane. Et ouais, c'est encore moi. Alors, je reviens pour cette seconde chronique. Je vais vous parler du roman Les petits pains de la pleine lune de Gu Byeongmo, qui est publié aux éditions Piquet en France. J'ai découvert le livre un peu par hasard en cherchant des auteurs asiatiques pour totalement autre chose. Gu Byeongmo, c'est une autrice sud-coréenne et elle est née à Séoul en 1976. Elle a étudié la littérature coréenne et elle est devenue éditrice. Puis, elle devient autrice. C'est un schéma très récurrent, en fait. Elle a écrit plusieurs livres, aussi bien adultes que jeunesse. En France, on a deux romans de l'autrice qui sont Fils de l'eau et, bah, du coup, Les petits pains de la pleine lune, édités aux éditions Piquet, respectivement en 2011 et 2013. Les deux romans sont jeunesse et, en plus, fantastiques, qui sont disponibles en format broché ou en poche. Les petits pains de la pleine lune, c'est une histoire fantastique où notre monde et celui des magiciens se côtoient. Donc, dans cette histoire, on va suivre un ado de 16 ans. On ne sait pas son nom, en fait, on ne sait jamais les noms dans ce livre. C'est super! Ah oui, c'est plutôt pratique pour continuer à suivre l'histoire. C'est tout à fait ça. Il se réfugie dans une pâtisserie ouverte en permanence en fuyant son foyer. Elle est ouverte 24 heures sur 24, sauf un jour par mois. On saura pourquoi plus tard. On a des sauts dans le temps avec le présent et sa vie dans la pâtisserie, et le passé avec sa vie et comment il en est arrivé là. En fait, le personnage fuit sa maison parce que sa belle-sœur, Mui, on sait un nom, l'accuse de viol devant son père et sa belle-mère, Madame Bae, on sait deux noms. La belle-mère pète un plomb et le frappe jusqu'à ce qu'il s'enfuit. On sait à la fin que c'est pas lui qui a fait ça. Il va donc se réfugier dans la pâtisserie en face de chez lui et le patron, un peu bizarre, le cache. En fait, le patron, c'est un magicien qui vend des gâteaux sur internet, toujours aussi chelou. Vous vous en doutez, les gâteaux, ils sont un peu spéciaux puisqu'ils ont des effets magiques négatifs ou positifs selon le gâteau choisi. On a les gâteaux du diable ou même les poupées voodoo. Ouais, c'est littéral. Ça donne envie. C'est un peu des space cakes, quoi. Ouais, un peu. Le magicien, il vit pas seul, mais avec un oiseau bleu qui se transforme en fille la journée et en oiseau la nuit, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle littéralement l'oiseau bleu. On va donc suivre leur histoire et le retour du personnage chez lui. J'ai bien aimé le livre, c'est assez différent de ce que je peux lire d'habitude. L'histoire du garçon est super triste, il a clairement pas une vie facile, mais quand il vit à la pâtisserie, il noue une relation forte avec l'oiseau bleu et le magicien. C'est une très belle relation. L'univers magique est vraiment bien construit, avec pas mal de détails sur le magicien et ce qu'il peut faire. Je conseille vraiment ce livre aux personnes qui veulent une lecture rapide, puisque le livre fait à peu près 200 pages et avec beaucoup de sentiments. Ouais, j'ai juste une petite question du coup par rapport au saut dans le passé et le présent. Est-ce que ça rend la lecture compliquée ou c'est plutôt bien indiqué ? Non, pas du tout, parce que bah, j'ai oublié de le dire. Le garçon, en fait, il parle directement au lecteur, à la première personne. Et donc, il nous dit clairement que certains événements se passent dans le passé et d'autres dans le futur ou le présent. Donc, c'est plutôt simple pour suivre. Ok, cool. Donc, on n'est pas aussi perdu que dans le livre de Caroline, quoi. C'est pas une attaque directe sur Caroline, mais plutôt sur les choix d'écriture de l'auteur de Bangkok Déluge. Et merci beaucoup pour cette chronique sur les petits pains de la pleine lune, Liliane. On va maintenant passer à Zoé. Alors, moi, je vais vous présenter Tiananmen 1989, Nos espoirs brisés. Comme l'indique le titre, c'est beaucoup moins joli que ce que je vous ai présenté avant, ou est-ce que présenté Iliane. C'est le témoignage d'un des acteurs du printemps de Pékin, 30 ans après les événements, et il s'appelle Lun Zhang, raconté sous forme de roman graphique. Il est édité aux éditions Seuil Delcourt, et je vais commencer par vous expliquer ce qu'est le printemps de Pékin. Le printemps de Pékin est un événement qui a secoué la Chine, mais également eu un impact énorme sur le reste du monde. En 1989, la Chine s'ouvre au monde et à la tête de l'État, il y a deux camps qui s'affrontent, les conservateurs et les réformateurs. Quelle bonne ambiance! Toujours deux camps qui s'affrontent et des innocents qui meurent. Effectivement. Suite à la mort du plus populaire de ces derniers, Hu Yaobang, il y a une énorme vague de protestations qui s'élève à partir du 15 avril 1989. Les étudiants manifestent sur la place Tiananmen. Un mois plus tard, elle est complètement occupée et la foule réclame des avancées démocratiques en même temps que l'ouverture économique. La foule est évidemment pacifiste, mais même en étant pacifiste, en Chine... Le gouvernement l'est pas tellement. Voilà, exactement. C'est-à-dire que dans la nuit du 4 juin 1989, le Parti communiste envoie les chars et l'armée massacrer les occupants de la place. Je vais vous récapituler tout ça parce que peut-être que ce n'est pas clair. Le Parti communiste a envoyé des chars d'assaut et l'armée pour aller massacrer des étudiants de 18 à 25 ans. Parce qu'on sait que les étudiants, c'est très violent. Évidemment, ils sont ultra dangereux, ils peuvent sortir des pancartes. Ah, excusez-moi, moi je trouve que c'est carrément proportionnel, la réponse du gouvernement, l'attaque des étudiants. Non mais attends, on est où là? Avec des pancartes? Les étudiants sont si dangereux qu'il faut les massacrer. Ce livre, il est écrit par 3 personnes. C'est une collaboration entre le témoin, du coup, Lun Zhang, le journaliste et écrivain Adria Gombo et le dessinateur Amézian. Ce livre, il est extrêmement intéressant parce qu'il raconte le printemps de Pékin à travers une petite introduction, 5 actes, un épilogue d'un point de vue interne. Des portraits de gens importants, que ce soit des étudiants qui ont participé au mouvement ou des hommes politiques ou des intellectuels même, au début, et des objets que Lun Zhang a gardés à la fin. On a donc des illustrations et des photos de ces objets-là. Comme le dit Lun Zhang, c'est pas totalement une autobiographie, et cette histoire n'est pas seulement la sienne, mais pour le citer, c'est celle de millions de Chinoises et de Chinois qui ont traversé ces événements à Pékin et partout dans le monde. Sur la quatrième de couverture, il y a une photo d'époque de Lun Zhang où on voit celui-ci, étudiant, brandissant une pancarte. C'est très menaçant quand même. Franchement, il est dangereux avec sa pancarte. On comprend mieux la réaction du gouvernement. À travers ce livre, on voit vraiment le côté intérieur de la manifestation, tout ce qui se passe du point de vue de ceux qui l'ont subi et vécu. Le livre est très joli, hein. La couverture elle est toute rouge, couleur de la Chine forcément et du Parti communiste. Les annexes en début et en fin sont très très intéressantes. Elles nous plongent encore plus dans la réalité de ces histoires. Oui, car même si elle est racontée de façon romancée et que forcément il y a des éléments fictifs, la majorité des événements qui sont rapportés sont vrais. Le livre est facile à comprendre car le fait que Lun Zhang ne soit pas un spécialiste mais simplement une personne lambda qui a vécu quelque chose et qui en témoigne, bah, ça contribue au fait que les propos ils sont vulgarisés et donc super compréhensibles pour la majorité des gens. Je vous le conseille vivement parce qu'il vous permettra d'en savoir plus sur une période importante de la Chine. Et ce qui est sympa aussi, c'est que c'est pas raconté du point de vue externe des journalistes qui n'étaient pas vraiment en plein dans le conflit. Là, on a vraiment le point de vue interne. Comment est-ce que les étudiants ont ressenti la violence des policiers et des militaires ce jour-là? Vous serez embarqués dans l'histoire et dans les événements aux côtés de tous ces étudiants qui ont risqué leur vie pour en espérer en avoir une meilleure. Même si c'est vrai qu'en ce moment, on fait plutôt un retour en arrière qu'autre chose. La Chine, quoi. La Chine, en effet. Mais c'est un peu dommage. Merci pour cette chronique. J'ai juste une petite question. Est-ce que pour toi, le côté graphique apporte un plus à l'histoire ? Alors, ça dépend. Il y a des personnes qui se représentent bien plus les choses quand ils ont juste du texte et qui, du coup, préfèrent imaginer les choses. Et je les comprends tout à fait. Mais c'est vrai que sur ce côté-là, le côté graphique, il nous permet vraiment de bien voir les choses. En fait, ça pose vraiment un support visuel sur les événements qui sont racontés. Merci beaucoup. Avant que je ne rebondisse sur le roman graphique moi-même, je vous propose de faire une petite pause musicale. Merci de nous écouter et à tout de suite sur Radio Fadjet. Very dangerous, very dangerous. bienvenue sur Radio Fadjet dans l'émission des livres et des mots. Maintenant, moi, je vais rebondir sur le roman graphique, comme Zoé, mais avec un autre récit qui s'intitule « Nos compagnons » de Jiro Taniguchi, que vous pouvez retrouver dans la collection Écriture aux éditions Casterman. Donc, Jiro Taniguchi, il a commencé à faire de la bande dessinée en 1970 à peu près, et lui, il a exploré pas mal de types d'histoires différentes, comme les westerns, mais il a aussi fait des fresques historiques, des adaptations littéraires, ainsi que des récits intimistes, comme Nos Compagnons. Vous connaissez peut-être cet auteur, et d'ailleurs autour de la table, on en a parlé en cours si vous vous souvenez bien, grâce au roman graphique Quartier Lointain, qui a été adapté au théâtre et au cinéma, et qui a reçu pas mal de prix littéraires. Mais si vous le connaissez pas, c'est pas grave, j'espère vous donner envie de le découvrir avec ce qui va suivre. Avec Nos Compagnons, Jiro Taniguchi explore pour la première fois cette veine intimiste. Pour expliquer un peu plus ce que c'est, il se sert de son expérience personnelle pour créer un récit. Et ça, ça va l'inspirer pour créer le roman graphique Le Journal de mon père ainsi que Quartier Lointain, qui sont aussi des récits intimistes que je vous recommande également. Parfois, les sujets les plus simples peuvent être les plus touchants. Les animaux, comme le dit si bien le titre, ne sont pas des meubles, mais bien des compagnons. Ils nous apportent beaucoup sans rien demander en retour. Ils font même ressortir le meilleur de nous pour peu qu'on leur prodigue des soins et de l'amour. Au travers du récit, Jiro Taniguchi nous fait ressentir de nombreuses émotions. Le récit est très humain et le dessin possède un style réaliste. C'est-à-dire que les détails sont absolument partout, dans les paysages, les résidences, jusqu'au poil des animaux. Il apporte une attention particulière aux détails, qui semblent insignifiants, mais qui sont essentiels pour décrire ce lien qui nous unit avec nos animaux de compagnie. Et j'ai trouvé ça magnifique. C'est une histoire simple qui a une très grande portée, un ton léger, mais un fond parfois lourd d'émotions. J'avoue que, personnellement, j'ai versé 2-3 larmes pendant la lecture. Surtout pour le 5e chapitre. Oui, je suis facilement bouleversée par les émotions. Le 5e chapitre, il a pour thème la guerre et l'impact de celle-ci sur le quotidien des Japonais. Donc c'est plutôt lourd. Mais malgré tout, ça reste une lecture très agréable qui correspond à plusieurs lectorats. Ce roman graphique, il va nous faire voyager dans une époque plus traditionnelle. Mais le sujet est toujours d'actualité. Après tout, on a toujours des animaux de compagnie aujourd'hui. Et je pense qu'en tant qu'être humain, on a toujours ce besoin de compagnie et on n'est pas fait pour être seul, donc quoi de mieux qu'un animal finalement. Je vous recommande ce roman graphique car pour moi ça a été une belle trouvaille que je vais relire plusieurs fois. Et maintenant nous allons écouter Caroline. Pour continuer notre découverte de la Thaïlande, je vous propose de plonger dans un roman épistolaire. Un roman épistolaire, c'est un roman qui est constitué de plusieurs lettres successives. Lettre de Thaïlande, tome 1 de Botan, est traduit de l'anglais par Francis Gilbert. Il est sorti en 2001 aux éditions Esprit Ouvert. Botan est un nom de plume, et oui, c'est pas son vrai nom. Elle s'appelle Supal Lusiri, une auteure thaïlandaise de parents chinois. L'histoire se déroule entre août 1945, où est écrite sa première lettre, et novembre 1952, où la dernière lettre du roman est écrite. En sachant bien sûr que ces époques-là, de 1945 à 1952, ne concernent que le premier tome. Maintenant, passons au résumé du livre. C'est l'histoire de Tan Suang-Hu, un Chinois originaire du village de Poleng en Chine, qui décide de partir pour la Thaïlande dans l'espoir de faire fortune. Ses lettres sont adressées à sa mère, qui l'a quitté en laissant seulement un mot sans dire au revoir. C'est très sympathique de sa part, ce fils indigne. La première lettre, c'est donc quand il est dans le bateau qui l'emmène jusqu'en Thaïlande. Et tout le long de ces dernières, on va découvrir son arrivée en Thaïlande, son adaptation à la vie de Bangkok et son travail. Le roman est construit de telle sorte à ce qu'on pense que les lettres sont vraies. Car avant la première, il y a une introduction qui est écrite par un général de la police thaï. Enfin, c'est ce qui est dit. Dans cette introduction, il y racontait comment les lettres ont été trouvées, car elles n'ont jamais été reçues par la mère. Et voilà la tristesse qui arrive. Ça veut dire que non seulement il s'est barré en laissant juste un post-it, mais en plus, elle a reçu aucune nouvelle de son fils. C'est ça, ni l'argent qu'il a envoyé avec les lettres, bien évidemment. Oh non, ça c'est encore plus triste, c'est affreux. Donc il explique toute l'histoire qui les entoure et la manière dont elles ont été trouvées, ce qui leur donne un aspect très réel. De cette façon, il est l'avis de chacun de déterminer si les lettres, et donc l'histoire, sont vraies ou pas. Le point positif, c'est la longueur des chapitres, donc des lettres, car elles font moins de 10 pages. Ah, ça c'est grave cool. Vive les chapitres courts. Je pense qu'il y a un consensus général autour de la table, on aime bien les chapitres courts. C'est sûr, c'est la possibilité de s'arrêter régulièrement dans le livre si on n'a pas le temps de le lire d'une traite. Pour le point négatif, je dirais que c'est les dialogues. Pourquoi des dialogues? Ça correspond pas vraiment au genre épistolaire. Qui met des dialogues dans une lettre? Bah moi, tous les jours, hein, je suis désolée. En général, personne ne met des dialogues dans les lettres. Je vous rassure, dans son ensemble, c'est un livre que je recommande car il est vraiment intéressant et prenant. Et il nous plonge dans la vie des années 40-50 de la Thaïlande. Merci beaucoup. Nous allons mettre une dernière pause musicale et j'en profite pour conclure aussi l'émission des livres et des mots. J'espère que ça vous a plu. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Now, when that jump shout in love, warm now he high by. Take a long fun, tip hot broy my head, she nait die. When mood on down, they couldn't tell, sang for tongue high. Take a took bit, do tishin coy, did die bomb, con deal to hood day for all. จะได้ย้ำให้เธอเข้าใจ